Un bruit de trompette les interrompt pour signaler l'arrivée d'un noble vénitien, Lodovico, cousin d'Esdemona. En présence de Desdemona, Lodovic remet à Othello une lettre du doge qui vante les mérites d'Othello, mais le rappelle à Venise, Cassio devant le remplacer à Chypre. Et comme Desdemona essaie à nouveau de plaider la cause de Cassio, Othello la frappe au grand étonnement du noble vénitien. Puis Othello va dans la chambre de Desdemona interroger Emilia, sa confidente.